Molière et Monsieur de Pourceaugnac, par Jules Claresy, au Matinée littéraire, au Théâtre de la Gaîté. Mesdames et messieurs, on ne pouvait pour la représentation classique d'aujourd'hui mieux choisir qu'en donnant cette farce amusante qui s'appelle Monsieur de Pourceaugnac et cette autre plaisanterie que Molière a nommée le mariage forcé. Il est convenu que Monsieur de Pourceaugnac est une pièce de carnaval. Lorsque les jours gras arrivent, le gentilhomme limousin montre presque certainement ses moustaches et ses chausses à la Comédie française et à l'Odéon, et le directeur de ces matinées a suivi en cela l'usage de la maison de Molière. Ce n'est donc point Molière abordant Maître, la grande comédie de mœurs, comme dans Le Misanthrope, ou la satire politique et religieuse, comme dans Tartuffe, que nous allons avoir avec Le mariage forcé et Monsieur de Pourceaugnac. C'est Molière, auteur de farces, demandant à la comédie italienne quelques canevas sur lesquels sa fantaisie brodera des scènes d'une étincelante gaieté, c'est Molière prenant au bouffon de son temps un sujet de plaisanterie dont il fera une comédie véritable et durable. Le mariage forcé est antérieur de 5 ans à Monsieur de Pourceaugnac. Ce petit acte, représenté au Louvre le 24 janvier 1664, eut cela de particulier qu'il fut accompagné d'un ballet où le roi lui-même, Sa Majesté Louis XIV, dansa un pas aux grands applaudissements des courtisans. Louis XIV remplissait dans le mariage forcé un rôle d'Égyptien. C'est à Rabelais, en partie, que Molière avait emprunté, puisqu'il est convenu que les auteurs dramatiques empruntent toujours, le mariage forcé. Le mariage de Sganarelle ressemble beaucoup au mariage de Panurge. Panurge consulte Pantagruel comme Sganarelle consulte Geronimo. « Mariez-vous ? Ne vous mariez point ?» Les réponses sont à peu près identiques dans les deux auteurs. Mais Molière avait aussi emprunté la scène où Alcidas, frère de Dorimène, force l'épée à la main, Sganarelle d'épouser sa sœur, à une historiette qui courait alors les ruelles. Le chevalier de Gramont, ce libertin aimable, séducteur et volage, dont l'Écossais Hamilton nous a écrit en français les mémoires, le chevalier de Boudoir, contraint de s'expatrier, était allé chercher refuge à Londres, et là, il s'est pris assez vivement de la sœur même d'Hamilton. Mademoiselle Hamilton était charmante, le chevalier de Gramont était galant. La demoiselle se laissa séduire lorsque tout à coup Monsieur de Gramont repartit lestement pour la France. Il était à peine arrivé à Douvres et il allait s'embarquer lorsque les frères de Hamilton, qui s'étaient mis à sa poursuite, l'accostent et du plus loin qu'ils l'aperçurent, « Eh, chevalier de Gramont, n'avez-vous rien oublié à Londres ?»« Pardonnez-moi, » répondit spirituellement le chevalier, « j'ai oublié d'épouser votre sœur. Je retourne avec vous pour terminer l'affaire. » Assurément, Molière a puisé dans cette anecdote une des scènes de sa comédie. Quant aux autres, où il nous montre les philosophes Pancras et Marforius répondant par de pédantes balivernes aux questions de Sganarelle, qui leur demande s'il fera bien de se marier, elles ne sont pas seulement bouffonnes, mais elles étaient encore courageuses. Molière jouait gros jeu en se moquant d'Aristote et de sa docte cabale. L'université de Paris allait en effet obtenir confirmation d'un arrêt du Parlement de Paris qui condamnait, non pas à une amende, mais à mort tous ceux qui oseraient attaquer la doctrine d'Aristote. Or, c'est précisément ce que fait Molière dans la scène du docteur Pancras. L'auteur comique condamnait à son tour les pédants. Il les condamnait à la peine du rire. Quant à Pourceaugnac, ce fut pour Louis XIV lui-même qu'en 1669, Molière composa la pièce. Cette comédie, doublée d'un ballet, fut faite et jouée à Chambord au mois de septembre, puis représentée devant le public le 15 novembre de la même année. Ce fut à la représentation de cette comédie que la troupe de Molière prit pour la première fois le titre de la troupe du roi, qu'elle a gardé, à travers les vicissitudes de l'histoire, en devenant tour à tour royale, impériale, puis enfin, et pour s'en tenir à ce dernier titre, j'espère, national. Il y eut au château de Chambord une véritable fête lorsque Molière y donna cette bouffonnerie. La pièce avait en effet un double attrait. C'était un peu là comme ces opérettes d'aujourd'hui où le littérateur célèbre et le musicien à la mode s'allient. Le compositeur Lully, qui n'avait pas encore le privilège de l'opéra, écrivit de verbe la musique du ballet de Monsieur de Pourceaugnac et il dansa, chanta et joua du violon dans cette représentation. Ce n'était, nous l'avons vu, que suivre l'exemple du roi. Aujourd'hui, un compositeur passerait pour un fier original s'il s'avisait de chanter ses refrains et de danser un ballet. D'ailleurs, les courtisans en firent un grief même à Lully. Un beau jour, les secrétaires du roi refusèrent de l'admettre dans leur compagnie. « Croyez-vous, lui dit Louvois, que nous serions heureux de nous trouver côte à côte avec un baladin ?»« Oh, répondit Lully, ne vous mettez pas en peine. Si pour plaire au roi il vous fallait faire pire que moi, vous seriez bientôt aussi baladin que personne. » Louis XIV vint et calma l'algarade. Quant à Molière, il joua lui-même Monsieur de Pourceaugnac, et l'on a retrouvé dans l'état de sa garde-robe, après sa mort, la description du haut-de-chausse en damas rouge garni de dentelles et du juste corps de velours bleu qu'il portait pour jouer ce personnage, sans compter une écharpe verte, des gants, des souliers et un manteau de taffetas noir, le tout estimé 30 livres par l'huissier priseur. Malgré l'attrait de la représentation de Chambord, M. de Pourceaugnac, au premier acte, semblait ne devoir réussir qu'à demi. Les spectateurs se demandaient même s'ils devaient rire lorsque Louis XIV éclata tout à coup et se prit à applaudir. Aussitôt le succès fut assuré. Un sourire de Louis XIV valait alors tous les feuilletons du lundi. Le royal critique avait parlé. La cour tout entière battit des mains. Quant aux gens de lettres qui avaient discuté Tartuffe, ils louèrent beaucoup M. de Pourceaugnac. Ce que les ribauds applaudissent surtout, ce sont les œuvres médiocres des hommes de talent. Ne pouvant rabaisser les œuvres supérieures, ils exaltent les œuvres plus faibles. Qu'est-ce que Pourceaugnac en effet à côté de Tartuffe? Une farce, encore une fois, une plaisanterie, une pièce grasse et carnavalesque. Oui, certes, mais dans cette farce même, comme Molière a su répandre toute la clarté de son génie. Croyez-vous qu'un homme de sa trempe ne trouvera pas le moyen de cacher quelque utile enseignement sous un éclat de rire? Tout en s'amusant aux dépens de ce badaud de provincial qui s'appelle M. de Pourceaugnac, Molière veut en effet encore s'attaquer aux abus de cette chose redoutée qui se nomme la médecine, et il profite allègrement de l'occasion. Il faut avouer que les médecins du temps de Molière prêtaient bien le flanc à toutes les plaisanteries. Un jeune médecin de nos jours, M. Maurice Reynaud, a écrit, sous forme de thèse, tout un volume intitulé justement « Les médecins au temps de Molière ». L'auteur tient à nous prouver et nous prouve que plus d'une fois, Molière a calomnié les médecins et même les médecins de son temps. Malade, absolument poitrinaire, toussant toujours, condamné à boire du petit lait, Molière ne pardonnait point à la faculté de ne pas le guérir de son mal incurable. Un ennemi de notre auteur, un de ses diffamateurs, comme le génie en attend, nous a laissé ce portrait en vers de Molière. Vous en voyez l'effet de cette peine extrême, et ses yeux enfoncés, et ce visage blême, et ce corps qui n'a presque plus rien de vivant, et qui n'est presque plus qu'un squelette mouvant. Dans le Chevalier de Chalucet et le Mire hypochondre. Molière, se sentant de jour en jour plus affaibli, ne pardonnait pas, je le répète, à la médecine son impuissance, et pour prouver qu'il la détestait, il la nia tout à fait. Il ne voulut lui demander ni un remède, ni un secours. Il mourut, en fait de médecine, dans l'impénitence finale. M. Reynaud nous prouve dans son livre que Molière a eu tort, et le médecin d'aujourd'hui défend avec érudition les médecins d'autrefois. Ils étaient évidemment bien ridicules, ces médecins, avec leurs allures pédantesques, leurs robes noires, leurs immenses bonnets, leurs rabats et leurs latins. Ils se livraient eux-mêmes à la risée des auteurs comiques lorsque, gravement par exemple, dans leur thèse appelée « Code libétaire », ils posaient aux candidats des questions comme celle-ci. « Faut-il tenir compte des phases de la lune pour couper les cheveux à un malade ?» Ou encore « L'homme a-t-il le droit d'éternuer ?» Ou bien « La femme n'est-elle pas un ouvrage imparfait de la nature ?» Ou, ce qu'on ne croira pas, « Est-il bon de s'enivrer une fois par mois ?» Ils étaient si rébarbatifs d'aspect, ces hommes noirs, tristes et importants, qu'on leur imposa pendant un temps assez long de ne point se marier. Attendu, disait-on, qu'il était impossible qu'ils pussent plaire aux femmes. Et pourtant ils avaient leur grandeur, leur vertu, leur honneur. Cette vieille faculté dont Molière se moquait si bien, elle compte à elle aussi, comme la vieille France, ses beaux jours et ses grands hommes. Sur la rive gauche de la Seine, près de l'Hôtel-Dieu et de l'église de Saint-Julien-le-Pauvre, à l'angle de la rue de la Bûcherie et de la rue de l'Hôtel Colbert, autrefois rue des Rats, on voyait, on voit peut-être encore, sur une maison noire et poudreuse, des ornements sculptés, un coq et un pélican, ce sont les emblèmes de la faculté. Le coq signifiait « vigilance », le pélican « dévouement ». Et voilà les derniers vestiges de l'ancienne faculté de Paris. Ce fut là le berceau de cette faculté de médecine de France qui devait rayonner sur le monde et marquer un jour le pas que devait suivre l'Allemagne d'abord et l'Angleterre ensuite, car dans la science comme dans les lettres, notre patrie, humiliée aujourd'hui, fut à son heure la grande créatrice et enseigna généreusement à ses ennemis eux-mêmes l'art de penser et l'art de guérir, comme elle leur enseigna durant tant d'années l'art de vaincre. Depuis, les étrangers ont profité de nos leçons, mais ils n'ont pas su se montrer, comme nous, alertes dans la science et généreux dans la victoire. Et dans cette vieille faculté de Paris, professaient des hommes oubliés qui préparaient cependant l'avenir. Il y avait de nobles habitudes parmi eux. Lorsqu'un futur docteur passait là ses thèses cardinales, le bachelier était tenu de répondre de 5 heures du matin à midi à toutes les questions des assistants. Et lorsqu'il était reçu, voici quelles règles il devait suivre et à quels préceptes il était tenu d'obéir. Les docteurs de la faculté cultiveront entre eux l'amitié. C'est chose difficile parfois, et les rivalités entre médecins sont féroces. On les voit se disputer au chevet des malades comme les cochers qui se fouillent un passant. Et le client seul reçoit les coups. En toute occasion, les plus jeunes docteurs doivent se lever devant les anciens en signe de respect. Les anciens doivent aux jeunes la bienveillance et la protection. Les secrets des malades sont inviolables. Nul ne peut révéler ce qu'il a vu, entendu ou simplement soupçonné chez eux. Ainsi, la faculté demande à ses docteurs ce que l'Église impose durement à ses prêtres. Même silence, même vertu. Le médecin est comme le confesseur de ceux qui ne croient pas. Molière, il est vrai, et vous le savez bien, ne nous présente point ses docteurs sous cet aspect superbe et respectable. Il est leur ennemi. Il soulève leur robe avec irrévérence et leur arrache leur bonnet. Louis XIV, lorsqu'il ôtait sa perruque, avait bien soin de l'ôter derrière les tentures de son lit et de la passer à travers ses rideaux, afin que son valet de chambre ne pût voir Sa Majesté la tête rase et sans perruque. Molière, lui, n'y met point tant de façon, et il se divertit de voir les savants ainsi décoiffés. Il s'attaque d'ailleurs aux médecins les plus célèbres et jusqu'aux médecins du roi. Il y avait à la cour 4 médecins illustres. Desfougerets, premier médecin de Madame, Esprit, premier médecin de la Reine-Mère, Valot et Guénaud, premier médecin de la Reine. Ce sont eux que Molière a peint et chargé, comme on dirait aujourd'hui, dans sa pièce de l'amour médecin. Il leur a donné des noms grecs, et il l'appelait par exemple Valot, M. Thomas, en français, seigneur, celui qui saigne. Esprit, qui bredouillait en parlant, est devenu M. Baïs, ce qui veut dire Japon. Et des Fougerets s'est changé en des Fonandresses, ce qui signifie « tueur d'hommes ». On voit que cet audacieux Molière ne respectait rien, ni le médecin du roi, ni celui de la reine. Ces docteurs, au surplus, étaient bien faits, je le répète, pour servir de cible à la comédie, et pour ne parler que des 4 les plus habiles, lorsque Mazarin fut frappé de la maladie qui devait l'emporter, il y eut consultation de ces 4 savants. La consultation eut même lieu dans le bois de Vincennes, comme une simple promenade de bons bourgeois. Tout en marchant, les 4 médecins cherchaient le nom de la maladie dont le cardinal mourait. Guénaud soutenait que le foie était attaqué. Brayer disait que c'était la rate. Valot affirmait que c'était les poumons. Et Desfougerets s'écriait que c'était le cœur. 4 médecins, 4 avis différents. Ce qu'il y a de sûr, c'est que malade du cœur, du poumon, du foie ou de la rate, le cardinal Mazarin mourut. Et Molière avait bien le droit de se moquer des gens qui discutaient sur la maladie en laissant ainsi périr le moribond. C'est exactement là, d'ailleurs, la scène du deuxième acte de l'amour médecin. Thomas. Si vous ne faites saigner tout à l'heure votre fille, c'est une personne morte. Monsieur Desfonandres. Si vous la faites saigner, elle ne sera pas en vie dans un quart d'heure. Il ne faut pas s'étonner aussi bien de la place importante que les médecins occupent dans l'œuvre de Molière. Le siècle de Louis XIV tout entier a été soumis à l'autorité de la médecine. Messieurs Valot, Daquin et Fagon, les médecins du roi, sont les véritables prophètes de la cour de Versailles. Ils sont plus importants que Colbert, plus que Louvois, plus que Turenne. Ils tiennent entre leurs mains la santé du grand roi. On a imprimé récemment le manuscrit in folio qui s'appelle « Journal de la santé du roi » et que les médecins de Louis XIV ont tenu à jour, mois par mois, pendant près de 50 ans. Rien n'est plus curieux. C'est l'histoire du grand siècle en déshabillé, Sa Majesté royale vue sous son aspect le plus intime. Ce pauvre roi, qui avait un appétit énorme, un appétit de gargantua, ne peut pas avoir la moindre indigestion sans que les docteurs n'en inscrivent et n'en décrivent précieusement toutes les phases. Esclave de l'étiquette, Louis XIV vit au grand jour et se soigne de même. On connaît l'histoire de ce roi d'Espagne qui, s'étant endormi trop près d'un brasier, mourut de congestion parce que le gentilhomme chargé d'éveiller sa majesté n'était point présent. L'étiquette défendant à tout autre de réveiller le roi, on préféra le laisser mourir. Louis XIV souffrait d'une autre espèce d'étiquette. Lorsqu'on le purgeait ou le saignait, la cour tout entière le savait d'avance et s'en inquiétait officiellement. Le grand siècle est fort bizarre ainsi vu par ses petits côtés, et rien n'est plus divertissant que de se figurer les galeries de Versailles pleines de courtisans élégants et couverts de soie qui s'abordent en disant avec solennité « Aujourd'hui, Sa Majesté se purge ». On trouve même dans ce journal historique de la santé du roi des choses plus étranges encore. Par exemple, les médecins annoncent d'avance, comme des astronomes, les maladies qui régneront dans l'année. En 1657, Valot prédit qu'il y aura, entre autres choses, des rougeoles, des dysenteries, des fluxions de poitrine. Mais comme il tient à paraître aussi bon courtisan que bon médecin, il ajoute bien vite « le roi en sera exempt ». Quant au roi, il soigne si fort sa santé qu'on le voit suivre à la lettre les prescriptions de ce docteur Fagon que Molière appellera « purgon ». Jamais il ne manque à prendre sa médecine, jamais, si ce n'est, il faut le reconnaître à sa louange, lorsqu'il s'agit pour lui de suivre ses troupes allant au combat. Voilà où le royal malade se relève aux yeux de l'histoire. Ridicule devant ses médecins, il est vraiment français devant l'ennemi, et surtout lorsque le malheur s'abat sur la France. C'est dans la défaite qu'on juge ces hommes couronnés. Louis XIV n'eut garde de désespérer et de se rendre. Il envoya à la monnaie sa vaisselle d'or, fit fondre ses cuillères pour payer la rançon de la France, et mangea dans de la terre le pain bis du paysan. Au moins, s'il fut ambitieux, celui-là sut racheter par une certaine grandeur d'âme cette ambition et se faire pardonner les malheurs qu'elle déchaîna sur le pays. Je n'admire pas plus qu'il ne faut sur ce point Louis XIV, retranchant, comme nous le dit Dangeau, une moitié sur les étrennes de ses enfants et 200 chevaux de son écurie, vendant ses chenets, ses miroirs, ses girandoles, les filigranes même des robes de Madame la Dauphine. Et nous voyons, il est vrai, sans aller bien loin, chaque jour, des gens qui ne sont pas des rois prendre sur leur nécessaire le prix d'une rançon pour la patrie. Ce sont ceux-là surtout que je salue et que j'admire, braves gens, bons patriotes, qui payent les fautes qu'ils n'ont point commises. Et ils ont raison de payer. Tenez, on a pu remarquer au doigt des Allemands qui ont porté leur pas sur notre terre française des anneaux de fer qui leur rappelaient des journées de haine. Savez-vous ce qu'étaient ces anneaux ? Lorsqu'en 1806, la Prusse était comme écrasée à jamais sous le talon de nos soldats, la Prusse ruinée demanda à toutes les épouses leur anneau d'or afin de fournir à l'Allemagne de quoi lui équiper des vengeurs. L'anneau d'or était échangé par le gouvernement contre un anneau de fer, cet anneau de fer que nous retrouvions au doigt des vaincus d'Iéna. Eh bien, ayons aussi nos anneaux de fer, donnons aussi nos anneaux d'or, et qu'on les retrouve un jour au doigt des combattants qui ramasseront le glaive brisé de la patrie. Je reviens à Molière et à M. de Pourceaugnac, qui arrive de Limoges pour se faire berner comme on verra. M. de Pourceaugnac est limousin, je ne sais pourquoi, ou plutôt je le sais fort bien. Les limousins ont été de tout temps et surtout du temps de Louis XIV en butte aux plaisanteries des railleurs. Déjà bien avant cela, Rabelais s'était diverti devant les balourdises des écoliers limousins. La Fontaine, voyageant en limousin, écrit à sa femme que le pays qu'il traverse est fort beau et que les hommes y ont tant d'esprit qu'ailleurs, ce qui semble indiquer qu'ils n'en ont point davantage. Voltaire, dans une lettre à Turgot, félicite surtout ceux qu'il appelle les petits-fils de M. de Pourceaugnac d'être administrés par un homme de sa trempe. Il a l'air d'indiquer qu'ils n'en sont pas très dignes. Quant à Molière, la tradition veut que, pour se venger de l'accueil qu'il reçut comme acteur à Limoges, il ait tourné ses traits contre le limousin tout entier, personnifié dans ce M. de Pourceaugnac, dont Sbrigani dira qu'il a l'esprit des plus épais qui se fassent. Molière, en effet, avant de se fixer à Paris, mena à travers les provinces de France la vie errante des comédiens nomades. Il courut les champs et les villes comme les acteurs du roman comique, mangeant au hasard, dormant au chaos des chars et couchant à la belle étoile. La chronique nous le montre à Avignon, puis à Narbonne, puis à Pézenas, dans la boutique du barbier, assis dans un grand fauteuil de bois qu'on conserve encore, et écoutant les samedis, jours de marché, les propos des sots, les histoires de la ville, les comédies de la province. À Limoges, Molière aurait été sifflé par le public, et il s'en serait vengé quelques années plus tard en écrivant « Monsieur de Pourceaugnac ». On lui prête ce mot qu'il n'a peut-être jamais dit « À Limoges, il y a de bons petits pois ». D'autres veulent qu'il ait pris pour type le premier mari de sa belle-sœur, Geneviève Béjart, Léonard de Loménie, fils d'un banquier de Limoges. D'après Grimaret, un gentillâtre limousin s'étant disputé en plein théâtre avec les comédiens de Molière et les ayant insultés grossièrement, Molière répondit à ce scandale par la publication de sa pièce. Robinet, dans sa Gazette en vers, semble confirmer cette anecdote lorsqu'il écrit en parlant de M. de Pourceaugnac. L'original est à Paris, en colère autant que surpris de s'y voir dépeint de la sorte. Il jure, il tempête, il s'emporte, et veut faire ajourner l'auteur en réparation d'honneur, tant pour lui que pour sa famille, laquelle en Pourceaugnac fourmille. Que Molière ait emprunté cette farce aux Italiens, à Villon ou à Gabriel Chapuis, qu'il ait eu l'idée de M. de Pourceaugnac à la suite d'un coup de sifflet reçu à Limoges, peu importe. La vérité est que pour toujours, voilà ce pauvre diable de Pourceaugnac berné, battu et houspillé à la grande joie du public. Molière, qui était pourtant fort savant sur les patois français, a eu tort d'appeler son héros limousin Pourceaugnac. La terminaison « niac » est une terminaison gasconne, et les noms limousins ont presque tous leur désinence en « aux » comme Bugeaud, Vergniaud, et le résulte que M. de Pourceaugnac, pour être réellement limousin, devrait s'appeler Pourceaugnaud. Mais gascon ou limousin, Pourceaugnaud ou Pourceaugnac, ce malheureux homme personnifie le provincial qui aborde à Paris avec tous les étonnements et toutes les naïvetés, et aussi, il faut bien le dire, toutes les honnêtetés du bonhomme de province jeté tout à coup au milieu des aventures de Paris. À bien prendre, je ne suis pas intimement persuadé que Molière ait voulu se moquer autant que cela de M. de Pourceaugnaud. M. de Pourceaugnac, satisfait, rayonnant, le cœur plein d'illusions, la bourse bien garnie, tombe à Paris où il vient tout droit épouser la fille d'Oronte. Il croit à tout, au bien, au beau, à la vertu des femmes, à l'honnêteté des hommes. Dès qu'il est arrivé, le voilà entouré d'aimables coquins et de spirituelles coquines qui le bernent, le pillent, le détroussent à qui mieux mieux. Et chacun de rire aux mésaventures de ce malheureux monsieur de Pourceaugnac, poursuivi par les médecins, les matassins et les apothicaires, et forcé de se déguiser en femme pour échapper à la persécution de ce napolitain intrigant qui s'appelle Sbrigani et de ses deux fines mouches qui se nomment Lucette et Nérine. Quel est pourtant le crime de monsieur de Pourceaugnac? Il est confiant et il vient épouser Julie. Il a donné sa parole, il a reçu celle du père, il arrive à Paris tout flambant neuf. Dès qu'il aperçoit une main tendue, il la prend, il la serre. Il appelle mon ami tout inconnu qui lui sourit. Il se laisse duper avec une facilité prodigieuse et une éclatante légèreté. Vous en rirez certainement tout à l'heure. Pour moi, je ne puis m'empêcher de plaindre un peu cet infortuné monsieur de Pourceaugnac. Je sais qu'il est ridicule et lourdeau et crédule et naïf et limousin, mais il est honnête, honnête absolument, et ceux qui se moquent de lui ne sont guère que des fripons. Écoutez quel portrait fait Nérine de ce Sbrigani qui se divertit si bien de Pourceaugnac. Un homme qui 20 fois en sa vie, pour servir ses amis, a généreusement affronté les galères. Et Sbrigani, à son tour, parlant de Nérine, compte les merveilles de la vie de cette fille qui pipa au jeu pour 12 000 écus un jeune seigneur étranger et fit galamment un faux contrat qui ruina toute une famille. Voilà en quelles mains tombe M. de Pourceaugnac. Étonnez-vous donc qu'il soit bafoué de la bonne sorte? Il est dupe, absolument dupe, dupe comme le dernier des sots. Et j'avoue que ces mésaventures sont parfaitement risibles, mais je ne puis, tout en me moquant de sa crédulité, m'empêcher de prendre un peu son parti. Le monde, en effet, est divisé en deux grandes catégories morales qui priment toutes les démarcations sociales et politiques. D'un côté, les dupes, de l'autre, les fripons. Les dupes peuvent être parfaitement niaises et balourdes, comme M. de Pourceaugnac. Les fripons peuvent être absolument charmants, lestes et amusants comme Sbrigani. Il n'en reste pas moins des fripons. Et les pauvres sots qu'ils bernent, pillent et bafouent n'en demeurent pas moins aussi des honnêtes gens. Il faut tâcher en ce bas monde de n'être point dupé, ne fût-ce que pour prouver que les gens de cœur peuvent être des gens d'esprit. Mais mieux vaut 100 fois succomber avec son honnêteté et son intégrité que réussir par ces aimables moyens qui sont comiques au théâtre, peut-être, mais méprisables dans la vie. Molière, je vous le garantis, qui estimait par-dessus tout l'honnêteté, était au fond du parti de Pourceaugnac. Mais il était auteur dramatique et il avait un public à divertir. Ce public, c'était la cour. Il savait bien que les gentilshommes de l'œil de bœuf s'amusaient toujours devant les ridicules des gentilshommes de province. Il leur avait déjà présenté à leur grande joie M. de Sautenville, le beau-père de Georges Dandin. Cette fois, en bafouant un peu M. de Pourceaugnac, il caressait encore l'amour-propre de la cour, toujours prête à s'amuser aux dépens de la province. En vrai parisien, frondeur qu'il était, Molière se divertissait aussi des provinciaux. Il avait conservé dans l'esprit beaucoup de l'humeur narquoise qui passait dans les refrains entendus dans son enfance sous les piliers des Halles. Il était parisien, parisien de sang et d'âme, aimant comme Montaigne Paris jusque dans ses verrues. De là ses satires contre l'esprit de province. Il avait d'ailleurs beau jeu de persifler ces petits états provinciaux entichés de leurs vieilles coutumes, enfouis sous leurs vieilles habitudes, tout poudreux de lointains souvenirs. La France n'était pas alors cette France une et fortement vivante qui devait s'unifier devant l'invasion étrangère. Chaque province avait son blason. La patrie attendait son drapeau, ce drapeau aux trois couleurs qui devait être celui de la nation. Il a fallu que 89 vint fondre toutes ces différences, faire oublier toutes ces rivalités. Au lieu de petites provinces assez égoïstes dans leurs mœurs, créer une grande France dont tous les enfants fussent unis par la même pensée et participassent aux mêmes gloires et aux mêmes sacrifices. Molière n'a point vu cela, et son cœur eut battu de joie en le voyant. Il eut alors travaillé à effacer entre les provinces et Paris cet antagonisme qui est fatal au pays, et il n'eut pas osé railler les Pourceaugnac lorsqu'il eut vu un Limousin, un compatriote de Pourceaugnac lui-même, faire de l'économie politique comme Turgot, un autre de la science comme Dupuytren, et un autre battre les ennemis à Fleurus comme ce bon soldat qui s'appelait Jourdan. Donc, union intime de toutes les fibres, de tous les membres de la patrie. Ne soyons ni provinciaux, ni parisiens, ni limousins, ni bretons, soyons français. Plus de jalousie, donc plus de rivalité, plus de haine. Paris est peut-être l'enfant prodigue de la France, je le veux bien. Les provinces sont ses sœurs plus lentes et plus timides. C'est à elles de s'enhardir et à lui de se faire moins tapageur. Mais le jour viendra où, se jetant dans les bras de Paris, on mangera le veau gras sur la place de la Concorde. En attendant, ceux qui prétendent tenir rigueur à Paris sont des ingrats. Ils ont tout reçu de cette cité dont on peut dire « mauvaise tête et grand cœur ». Monsieur Scribe, qui aimait Paris et qui aimait la province aussi, a écrit une jolie comédie oubliée aujourd'hui, Le Nouveau Pourceaugnac, où il nous montre un limousin jouant à son tour sous jambe ceux qui veulent lui tendre des pièges. Scribe croyait sans doute que Molière n'avait voulu mettre en scène que le seul antagonisme de la province et de Paris, mais il y a bien autre chose dans cette comédie. Où le génie de Molière apparaît en effet dans toute sa vigueur, c'est lorsqu'au milieu d'une farce pareille, Le mariage forcé, il place, sans avoir l'air de rien, une scène semblable à celle où Sganarelle discute, je vous l'ai dit, Aristote lui-même, et dans Pourceaugnac, la scène où M. de Pourceaugnac, accusé de folie, est interrogé par les deux docteurs. On a beaucoup agité en ces dernières années, au point de vue légal, la question de savoir si un homme peut être convaincu de folie, et par conséquent jeté au fond d'un cabanon, sur la signature de deux médecins qui peuvent être ignorants ou coupables. Les légistes se sont occupés de cette redoutable question. Nous avons vu des exemples d'incarcération odieuse à propos de folie. La consultation d'un docteur ressemble en certains cas aux antiques lettres de cachet qui envoyaient un homme droit à la Bastille ou au Fort-l'Évêque. Après, les publicistes, les romanciers et les auteurs dramatiques se sont mêlés de l'affaire, et nous avons vu tout récemment à l'Odéon un drame, La Baronne, qui mettait en scène un homme accusé de folie par une aventurière et s'échappant de son cabanon pour venir dire à cette femme « Ah, je suis fou !» Cela est bien et dûment constaté. Eh bien, je m'en vais vous tuer. Je viens vous tuer le code à la main. À Charenton, ni crime, ni délit. Code pénal, article 64. Ce dénouement de la baronne était saisissant. Mais Molière avait en riant traité la question déjà dans Monsieur de Pourceaugnac même. Rien n'est effrayant dans sa forme comique comme la consultation des médecins s'asseyant aux côtés de Monsieur de Pourceaugnac comme deux familiers du Saint-Office. Quoi que dise aux faces cet infortuné Pourceaugnac, il est bien et dûment convaincu de folie. « Qu'est-ce que tout ceci ? » s'écrie-t-il. « Et que voulez-vous dire avec vos galimatias et vos sottises ?» Les deux médecins se regardent comme deux augures. « Bon, fait l'un, dire des injures, voilà un diagnostic qui manquait pour la confirmation de son mal. » Monsieur de Pourceaugnac crache, autre diagnostic, la sputation fréquente. Il veut se lever de sa chaise. Autre encore, l'inquiétude de changer de place. Il déclare qu'il se porte bien. Mauvais signe lorsqu'un malade ne sent pas son mal. Eh, je me moque de la médecine. Dit le docteur. Voici un homme plus fou que nous ne pensons. Tout cela est d'une vérité absolue et d'un comique achevé. Décidément, Molière a tâté jusqu'aux os la nature humaine. Il n'est pas jusqu'à ces bouffonneries que la vie ne se charge de réaliser. Et nous avons vu naguère un homme accusé de folie, M. de Puyparlier, s'enfuir du tribunal, s'échapper des mains de ses gardiens, gagner le chemin de fer, puis l'Angleterre, poursuivi qu'il était par les médecins aliénistes, comme Pourceaugnac par les apothicaires. « Tout arrive, » disait M. de Talleyrand. M. de Puyparlier met en action M. de Pourceaugnac. Et ceci prouve que Molière savait demeurer sérieux même lorsqu'il voulait être bouffon. Encore une fois, si ces bouffonneries immortelles ont un tel caractère vivant et puissant, c'est qu'elles sont nées non pas du besoin de faire rire et de gagner quelque argent en se moquant de la postérité et même du lendemain, c'est que, même pour composer ces farces que Boileau n'aimait pas toujours, Molière a fait appel à son génie et à ce collaborateur indispensable dans toute œuvre durable, le travail. Le travail, voilà ce qui fait le prix des ouvrages de ses aïeux qui sont déjà pour nous des anciens. Nés avec le génie brillant et sain de notre race française, ils ont passé leur vie à le cultiver, à le rendre et plus robuste et plus clair encore. Ils n'ont point connu cette plaie de la littérature actuelle qui porte un nom déjà vieux, dans la langue française, le chic. Ils ont laborieusement composé ces œuvres qui paraissent si rapides et si faciles, ne sacrifiant pas, comme la plupart des auteurs d'aujourd'hui, à l'argent, au succès lucratif. Ils ont atteint plus sûrement leur but, parce qu'ils l'ont voulu plus élevé. Molière, par exemple, fait parler dans Pourceaugnac le patois picard à Nérine et le patois gascon à Lucette. Mais pour patoiser ainsi, il faut avoir étudié patiemment les dialectes divers de notre France, comme il fallait être un latiniste habile pour parodier le latin des médecins du malade imaginaire et savoir l'espagnol et l'italien pour les parodier si lestement. Molière raillait la médecine dans Pourceaugnac, la philosophie dans Le mariage forcé, mais avant de les railler, il les avait étudiés. Il leur avait demandé leur secret. Il s'était courbé sur les livres de science. Il y avait alors chez nous un homme qu'on a appelé le plus savant parmi les philosophes et le plus habile philosophe parmi les savants du XVIIe siècle. C'était Gassendi. Molière avait suivi ses leçons, étudié sous la direction de cet érudit. Et Molière n'était point le seul littérateur qui écouta Gassendi. Chapelle, Bernier, le prince de Conti et jusqu'au facétieux Cyrano de Bergerac étaient ses disciples. Avant d'écrire Les femmes savantes, Molière avait choisi Descartes pour professeur. Il voulait traduire le poète latin Lucrèce, et cette traduction, il la commença. Croyez-le bien, on n'arrive que par le travail, l'étude, le soin à cette science du style, à cette maturité de pensée, à cette sûreté de main qui font de Molière un auteur accompli. Les chefs-d'œuvre ne naissent point tout seuls, de pied en cap, comme Minerve du cerveau de Jupiter. Ce sont des plantes rares et exquises à qui il faut non seulement le plein soleil du génie, mais la culture de chaque jour. Aussi ses maîtres, ou plutôt ses amis d'autrefois, peuvent à la fois nous servir d'exemple et de remords. Qu'ils sont francs, bien portants, de belle humeur et de vigueur saine, ils ont, à un degré singulier, ces qualités que nous avons laissées perdre, qualités toutes françaises, le bon sens, la clarté, la vérité, le calme, en un mot, la probité intellectuelle qui fait l'œuvre durable comme elle fait la famille sévère, le foyer sacré et la patrie grande. Ne vous étonnez point que je parle si souvent de patrie à propos de ce grand français, Molière. Messieurs, il fait bon, après tant de mots, tant d'épreuves, tant de patriotiques douleurs, après avoir vu la France, hier si haut, tombée si bas, après avoir assisté à ses efforts, à ses luttes, à ses souffrances, qui auront leur guérison, il fait bon se retrouver en compagnie d'un de ces hommes indiscutables qui assurent à jamais le renom de notre France et qui, immortels, survivent à nos désastres passagers et à nos passagères douleurs. Voilà pourquoi j'aime Molière. Il semble qu'on se trouve en compagnie d'un aïeul qui a gardé les traditions glorieuses, l'esprit fécond et superbe de notre pays. Il nous console de notre deuil par sa grandeur, de notre tristesse par sa gloire. Le génie a d'ailleurs des apaisements pour tous ces maux et toutes ces misères. Le bon La Fontaine nous montre l'orgueil puni, l'ambition écrasée, et ce n'est que par ironie qu'il nous dit « La raison du plus fort est toujours la meilleure ». Non, la raison du plus fort n'est pas la meilleure. Ou du moins, le bon droit, lorsqu'il est bien servi, finit par prouver à la force même qu'il est le plus fort parce qu'il est le droit. Quant à Molière, à ce français qui unissait en lui Plaute et Terrince, il me rappelle le vieux mot d'habitude des bonnes gens de notre chère Alsace. Vivant près de l'Allemagne, au bord du Rhin, à l'ombre de leurs sapins et devant leurs houblonnières, les paysans alsaciens, dont les plus vieux avaient déjà vu plus d'une invasion, avaient adopté un dicton qu'ils disaient le soir gaiement après le dîner de famille. On eût dit que, habitués à la fureur de l'étranger, ils avaient le pressentiment qu'ils en ressentiraient encore les atteintes. Alors, quand ils avaient dîné, bien dîné, après leur journée de robuste travail, avant de fumer leur longue pipe, les bonnes gens d'Alsace répétaient ce dicton en se levant de table « En voilà un que les Prussiens n'auront pas ». On leur avait tant de fois enlevé leur repas lors des premières invasions. Il leur semblait que tout ce qu'ils faisaient était autant de prix sur l'ennemi. Eh bien, voilà que le vieux dicton alsacien me revient maintenant quand je songe à tous ces génies gaulois, libres, fiers, gais et francs, c'est-à-dire bien français, qui s'appellent Montaigne, Rabelais, Molière, Régnard, même Beaumarchais et tant d'autres. Et je me dis, attristé de tous nos maux, mais confiant dans l'avenir, ils peuvent bien entasser leurs boulets dans leurs arsenaux, remuer de la terre autour des citadelles, inventer des engins nouveaux, essayer de disputer l'Europe à l'Europe elle-même. Cette clarté, cette gaieté, cette vivacité d'esprit, ce bon sens vengeur, cette vigueur de vérité, cette sève, cette veine gauloise, ils ne la connaîtront jamais. Et je répète avec les bonnes gens d'Alsace, Molière, Molière, en voilà un que les Prussiens n'auront pas. Cela revient à dire, messieurs, qu'il faut développer en nous les qualités de notre race que nous avons laissé perdre. Cela revient à dire que dans l'éducation nouvelle à donner à nos enfants, l'enfance, cette patrie en fleurs, qui sera la France de demain, il faut renoncer aux mensonges, aux chimères, et féconder la clarté, le bon sens, la gaieté loyale et brave, qui est comme l'humeur même de Molière, et j'ajouterai, qui est comme le tempérament généreux de cette France qu'on aime d'autant plus qu'elle a plus souffert, absolument comme une mère qu'on aime deux fois quand on la voit sur un lit de douleur. Jules Claresy.